Jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Les hommes amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils rentrent toujours de pêche. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des églises et il s'agenouille devant un morceau de bois, et il se représente comme la croix de Jésus, mais il rentre toujours de pécheur. Mais où est la croix? Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Les autres s'en vont dans des musées et ils peuvent bien attraper cette croix, mais ce n'est qu'une croix physique. Et où est celui qui pardonne et il rentre trois fois des pécheurs? Mais où est? Père, nous bénissons ton nom, car tu es un Dieu de gloire. Nous te rendons grâce pour cette journée où tu t'es manifesté encore par la bouche de ton serviteur, Père Dieu Tout-Puissant. Te bénissons parce que, oh Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui nous nourrit. Merci pour ta merveilleuse parole. Nous prions que cette parole, Père Dieu Tout-Puissant, apporte la transformation dans nos vies, Père Dieu Tout-Puissant, afin que nos cœurs soit incliné vers toi, toi qui es la source de la vie. Béni soit ton nom, Père Dieu Tout-Puissant. Encore une fois, ô Dieu de Dieu, nous voici rassemblés autour de cette rencontre, Père Dieu Tout-Puissant. Mets les paroles juste dans la bouche de ton serviteur pour que davantage nous soyons édifiés. Que nos yeux s'ouvrent, que le voile tombe de nos yeux, Père Dieu Tout-Puissant. Que nous puissions te servir avec crainte. Que ton nom soit béni. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, je prie. Amen. Amen. Amen. Amen. Voilà. Et ma question était celle-ci. Tout à l'heure, quand j'ai suivi frère Achille parler de ténèbres, bon, il disait, au commencement, quand Dieu créa une journée, c'était il y a eu un soir, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce que je veux savoir, c'est que il y a eu un soir, il y a eu un matin. Donc, ce qui veut dire que il y a d'abord ténèbres, après lumière. C'est ce que ça veut dire, simplement. Bon, si tu peux me dire ça une façon très simple. Très simple, c'est-à-dire qu'avant que l'évangile revienne quelque part, ce qui est là-bas, c'est les ténèbres. Ça se vérifie sur tous les plans. Puisque la Bible déclare qu'à la création, on dit qu'il y avait des ténèbres sur la surface de la terre, avant que Dieu dise que la lumière soit. Si je pose cette question, c'est parce que dans ma tête, je sais que Satan, c'est ténèbres. Mais c'est dans une question. S'il y a un règne de ténèbres, c'est qu'il règne d'abord. Dans tout le territoire, il règne d'abord avant que le Seigneur vienne pour établir son règne. C'est pour que tu apprécies la valeur de la grâce que Dieu t'a accordée de sortir. Tu comprends un peu l'espoir? Quand tu es dans l'obscurité pour longtemps, quand tu sors de la prison, première chose, quand on amène la lumière, première chose, ça te dérange. Tu dois faire comme ça parce que tu as été en ténèbres pour longtemps. C'est pour cela que lorsque les gens sont dans le mensonge, comme dans le culte de mort dans notre tradition, quand tu as toujours menti, quand tu arrives là-bas pour prêcher la vérité, les gens rejettent cela avec véhémence. Et quand quelqu'un il sort là-bas, il regarde avec étonnement là où il se retrouvait. Parce que les ténèbres l'avaient envahi, d'accord? Il y a une chose que tu parlais, tu expliquais de la prière en disant quand on avait dit que tu faisais le sacrifice, chaque année, et c'est suite, tu passais, tu traversais. C'est oui, c'était au niveau des au lieu dans les hôtels, quoi. Oui. Oui. Quand on disait que à l'église, on disait tous les. Bon, 2015. Oui. La fin 2015, on nous a dit de prier, de briser les hôtels que nos parents ont constitués par rapport à nos vies. Maintenant, je me rends compte qu'en 2016 ici, après le jeûne de 3 jours, nous sommes allés à l'église, on a toujours brisé. J'ai dit, mais tiens, les lieux de les hôtels là, c'est chaque année. Donc ça veut dire que quand on brise, ça ne part pas, ça revient encore. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est là où quand. Donc, comme à tout moment, ils sont toujours en train de dire que c'est parce que nous sommes toujours en train de pécher que ces choses reviennent. Donc, quand tu pèches, ça va faire repousser ton l'hôtel. Voilà. Ah. Voilà, c'est ce que bon. Comment on fait pour briser l'hôtel déjà? Quels sont les sacrifices que vous faites pour briser cet hôtel-là, ces hôtels? Là-bas, quand on prie, on dit au nom de Jésus, nous brisons tout hôtel qui a été construit dans nos familles, tous les liens, nous brisons tous les liens parentaux, tout ça. Voilà, ça se passe dans la prière. Et vous ne construisez pas des hôtels? Vous ne faites pas des hôtels? Non. Parce que de chez vous, ce n'est pas hôtel contre hôtel. Et chez la soeur, là, quand on donne les bouteilles, on met des cailloux dans l'eau. Quand je te parlais d'hôtel tout à l'heure dans l'église, c'est parce que là où le pasteur reste, il y a l'hôtel, non? Oui. Ils ont construit en bois, là. Voilà. Et ils disent là-bas que... on ne monte pas là-bas, c'est pas n'importe qui monte, on suit l'endroit et tout et tout. Pourquoi? Donc c'est un lieu saint alors? Voilà que c'est un lieu saint. C'est biblique ça. À qui j'ai demandé? On a lu tous ensemble, on a compris que... Si ce n'est pas biblique, et que sur cette terre, ce n'est pas le lieu saint que le corps des croyants maintenant. Le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, dit la Bible. C'est pas ça? Si. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous devez vous appartenir pour à vous-même? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira lui-même, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc c'est toi qui es saint, c'est pas le lieu là qui est saint. La question c'est, si un pasteur te dit que la planche sur laquelle on construit avec les esprits de Dieu étrangers en bas est saint, alors que c'est toi qui es censé être saint, en te trompant, qui est-ce qu'il sait? Est-ce que lui-même nous connaît? C'est que les gens sont courroucés contre le pasteur, pas vrai, pas acheté. Alors, qui est-ce qu'il sait en étant sérieux avec la veste, avec le micro, avec le piano derrière? Sur cet hôtel, donc, on peut avoir des gens qui peuvent passer. Sa femme peut monter là-bas, mais les autres femmes ne peuvent pas monter parce que sa femme ne peut pas souiller le thème. Il y a la séparation, les gens peuvent parler en patois, mais qui ne parlent pas. Ça, on peut parler. Voilà. Et une fois, il y a eu mariage, tu vois souvent comment les mariés montent sur l'autel pour que le pasteur bénit là. Oui. Tu vois, bon, une année ou 2 ans plus tard, ces couples ont divorcé, il y a eu divorce. Maintenant, tu te rends compte que c'est le pasteur qui dit là-bas qu'ils sont venus ici, ils ont souillé l'autel, ils ont là-bas. Dans ce écrit, on appelé. Qui les a appelés sur cette terre? C'est le pasteur. Après, qui dit encore que ceux qui sont venus? C'est le pasteur. Donc, on sait qui alors finalement? C'est le pasteur. qui disent souillé, il faut maintenant sanctifier. Seigneur, sanctifie cet endroit. Seigneur, Seigneur. C'est pour ça que tout à l'heure, quand depuis, ça fait 3 jours aujourd'hui, quand je t'entends parler, je ne comprends pas. Seigneur, sanctifie cet endroit. Seigneur, sanctifie, sanctifie. Je dis, ah, Seigneur, il n'y a pas de sanctification dans cette maison. Mais je t'attendais à ce que quand depuis que tu es venu, depuis que tu as écouté la parole, oui. Je t'attends à ce que lorsqu'on veut prier, Seigneur, sanctifie les démons, que les démons vont dans les lieux arides, oui. Je chasse tout esprit de rébellion, je chasse tout esprit qui se lève contre la parole de l'Éternel, je chasse. Vous pensez que tu as chassé? Oui. Et vous avez des divisions chaque fois? Les jalousies chaque fois. Voilà. Les haines, les duplicités voilà. Chaque fois. Les cupidités, voilà. La fornication chaque fois. Voilà. Et pendant que vous chassez. Mm-hmm. Et dans la prédication, tu entends parler arrêtons d'être jalouse, arrêtons. Jamais. À la fin du culte, on voit encore que nous sommes les mêmes. Donc, chacun tient son passer le temps à chasser. Ça passe aussi le temps, c'est multiplié. Oui. Pour les femmes, chacun tient son sac comme ça. Oui. C'est-à-dire que prêt à taper. Non, pas prêt à taper. Dès qu'elle veut même se lever pour aller faire pipi, elle ne peut pas faire confiance à son frère. À son frère qui est à côté, qu'elle salue en bénissant. Effectivement, c'est ça. Elle est obligée de se lever avec son sac. C'est ça. Mais le pasteur dit que suspecte la personne qui est à côté de toi. Oui, mais le pasteur dit. C'est ça, effectivement. Au milieu de l'église. C'est ça. Il se fait l'erreur. Et le pasteur, ça se passe comment? On est dans la maison. Quand tu viens faire l'entretien avec le pasteur, le pasteur te dit qui est Achille. Voici, Achille est ceci, Achille est ceci, il est sorcier, il est ceci, il est ceci, méfie. Quel est son rôle de 10 là? C'est pour te mettre en garde selon lui. Oui. Mais en train de faire le calomnie. Oh, voilà. Mais tu te rends compte que quand le pasteur cause maintenant avec Achille, il ne lui dit pas ça. Donc tout se passe dans l'hypocrisie. Tu restes encore là. Après la belle frère Achille. Voilà. Si frère Achille dit je t'aime papa, mon fils je t'aime. Mais il ne dit pas direct comme il a dit. Donc ça fait ce que moi, de mon côté, je dis hey, frère Achille est sorcier. Ok. On s'éloigne. Mais et parfois, quand je rentre encore, je dis que mais. Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux dans ta maison? Frère Achille aussi voit mon comportement. Il voit déjà que je m'éloigne. Elisabeth, attends mon rendez. Non, moi je pars. Pourtant, je suis en train d'aller sur le même chemin. Là, mais tu mens. Je suis en train de mentir. Là, tu es en train de mentir. Voilà. En sortant de l'hélicule. Oui. Je suis en train de mentir. Parce que le pasteur t'a induit en erreur. Voilà. Et pareil par rapport à frère Achille, quand frère Marceline vient. Tu vas entendre. Frère Marceline, vraiment, aujourd'hui on a eu dans le message, maman Elisabeth nous a attaqué. Elle nous a donné vraiment de la pastèque, vraiment. Est-ce que tu sais que ça a été empoisonné? Dans l'église comme ça. Dans l'église. Après vous savez en disant frère, soeur. Voilà. Il y a le charbon fait ensemble. Voilà. Tu donnes tes dîmes. Et tu as donné les dîmes qui te font mal aujourd'hui. Raconte-nous. Comme je suis en train de dire, quand j'ai commencé le travail à Transimes, j'ai fait 2 ans, moi je ne donnais pas la dîme, je ne donnais pas. C'est quand, après 2 ans, j'ai dit que bon, j'ai vraiment volé dans la maison du Seigneur parce que je savais que la dîme... Après t'avoir martelé par les enseignements. Voilà, par les enseignements. Par Malachie 3 surtout. Oui, par les enseignements, Malachie 3, comme tu dis. J'ai dit, oui Seigneur, j'ai volé dans ta maison. Voici que tu m'as donné le travail, je n'ai pas payé. Voici, tu m'as donné les enfants, tu m'as donné tant de choses que tu m'as donné. Mais j'ai volé dans ta maison, vraiment, il faut que je te remette tous les 2 ans que j'ai volé. Le mieux, c'est que je double la dîme. J'ai donné la dîme, j'ai fait 2 ans. C'est décembre aussi que j'ai dit que bon, ça va, j'ai déjà fait mes 2 ans de dîme. Beaucoup d'argent. J'ai fait mes 2 ans. Ça fait combien? C'est le rappel que tu as donné. Si je compte, ça fait combien? Oui. 100 000, c'est quoi? C'est plus de 100 000. C'est pas de 600 000. Non, 600 000, c'était l'action de grâce. Ouais. Je savais parler. Et quand tu as dit l'action de grâce, 500 000, c'était la dîme que j'avais eue pour ce que je t'ai dit. On n'a pas organisé une célébration particulière. Non, au contraire. Quand j'ai donné, j'avais vu que dans leur aspect, l'amour était très grand. Donc, quand ils ont reçu ça. Oui, ils m'ont aimé vraiment tellement. Ils ont... Oui, tout était doux, Elisabeth, tout, mais du moment où l'argent est fini, et ça finit comment? Comme je t'avais dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, que c'est le pasteur qui me dit que Elisabeth, viens avec ton argent, on va te montrer quoi faire pour bâtir une maison, ceci, cela. Je viens donc avec l'argent, je donne au pasteur. Quand je donne au pasteur, le pasteur utilise. Quand il utilise maintenant l'argent fini, c'est là où à l'hôtel, à l'église, je suis assise pendant que j'attends le message. Elisabeth, tu croyais que tu allais nous piéger. Quand tu es venu nous donner l'argent là, c'était pour nous mettre dans un piège. Parce que ton argent là, quand directement j'ai eu ça, j'ai eu des malheurs et des malheurs et des malheurs et des malheurs. Et cet argent est parti dans les malheurs. Voici alors que cet argent est fini et les malheurs sont arrêtés. J'ai pleuré à l'église. Ça n'a pas besoin que tu continues d'y aller chaque fois. Que je continue à y aller chaque fois. Oui, ça n'a pas. Oui. Parce que c'est que. Malgré tes pleurs. Oui. Je continue à aller. Parce que vous savez que c'est la maison de Dieu. Mmh. Et je partais, quand je partais, j'ai dit, Seigneur, si j'ai donné cet argent avec l'intention de ceci, femme-moi. Ça veut dire qu'il est conscient que. Si j'ai donné cet argent parce que je savais que les malheurs devaient arriver, Seigneur, frappe-moi. Et si j'ai donné sans savoir, peut-être où c'est passé dans les pensées, j'ai dit au Seigneur que pardonne-moi. Je suis restée, je vous dis, j'ai pleuré dans l'église de 10h jusqu'à 13h quand le culte est fini. Quand c'est fini, j'ai pris ma fille, je suis rentrée à la maison, j'ai mis mes genoux au sol. Et tes enfants? Oui, ils m'ont suivi. Les enfants même sont frustrés. Oui, ça frustrait des enfants, ça frustrait tout le monde. J'ai mis les genoux au sol, mes enfants n'étaient pas là, j'étais seule dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, je te bénis, je te remercie. J'ai béni Dieu par rapport à ça. C'est parce que Dieu m'a montré vraiment qui ils étaient. Il vous a montré qui ils étaient quoi donc? Donc, Dieu m'a montré parce que du moment où quand je vous dis bien que quand je suis venu avec l'argent, ils étaient bien souriants avec moi. Mais la question c'est, parce que je ne comprends pas cette affaire. Mm-hmm. Elle dit qu'elle a donné l'argent, elle souriait. Mais elle venait à la manifestation. Elle a prié, elle dit, Dieu m'a montré qui ils étaient. Mais ça n'a pas empêché qu'elle continue toujours. Ah, elle est dans la maison de Dieu. Mais je parle dans la maison de Dieu parce que je sais que c'est la maison de Dieu. Mais et je parle là-bas parce que je sais qu'il a la solution. C'est là-bas où se trouve la solution. Il y a une joie de persécuter. Oui. Est-ce que Dieu peut m'aider? Je parle. C'est donc ça. Et quand je pars, je me rends compte que tout se passe dans l'ignorance. Et ma seule prière, c'était quoi? Seigneur, tu es le Dieu d'amour. Et je prie que ta parole, que quand je lis ta Bible, quand je lis, c'est pas ce qu'on me dit. C'est pas ce que je vois sur les hommes et sur tes serviteurs. Je veux que ta parole triomphe. Et c'était ça ma prière. Mmh. Que Seigneur, que ta parole se donc que ça éclaire. Parce que ce que je suis en train de voir ici, c'est très différent de ta parole. Quand les enfants sont rentrés, vraiment, c'était très difficile pour partager ça. C'était très difficile. J'ai dit, ce que j'ai dit aux enfants, c'est que vous-même, vous savez, parce que mes enfants, ce sont mes amis. Hein. Ils sont mes amis. Tu as même entendu comment on parlait aujourd'hui, tout à l'heure, avec ma fille. Quand j'ai fini la prière, je les ai rassemblés, parce que c'est ce que je fais souvent. J'ai dit, voici, vous savez, quand je suis venue avec l'argent, nous tous nous avons prié, non? Quand vous m'aviez regardé, j'avais le comportement d'une personne, comme si j'allais donner l'argent à maman, par rapport que, bon, qu'elle ait des malheurs ou pas, les enfants m'ont dit non. J'ai dit, ok, vous avez vu ce qui s'est passé à l'église. Qui a d'abord dit d'apporter l'argent? C'est la prophétesse, la femme du pasteur. Non. La femme du pasteur qui me dit apporte l'argent et le pasteur était là. Pour faire quoi avec cet argent-là? Pour m'aider à gérer. Donc l'argent va être entre même. Oui, pour m'aider à gérer, de peur que je peux garder l'argent et moi j'utilise. Okay. Mais moi j'ai aussi vu que c'était bon parce que ce sont les serviteurs de l'Éternel. Ils savent des plans pour m'orienter dans la droiture. C'était combien? En tout, c'était 4 500 000. 4 500 000, ils ont bouffé comme ça. Ils t'ont tiré remboursé. Hein? Non, 4 500 000, ça s'est passé comment? J'ai donné 600 000 pour... Non, en fait, justement, ton argent qu'ils ont mangé par rapport à la construction, c'est bon. Combien? N'ai pas peur. Non plus, c'est-à-dire... C'est dans les... Parce que 600, 500 000, ça fait... 1 million 1 million 100. Hein? 500 000, ça fait 1 100 000. Mm. Bon, 1 100 000, je peux mettre encore 100 000 ou 200 000, ça fait 1 300 000. Ils prennent cette bouffe. Après, ils disent que c'est ton âge a apporté le malheur. Oui. Et là, ils ont fait table de la sonde, sans que j'ai jamais parlé, comment ils vont rembourser. Ils ont remboursé. Non, ils ont remboursé le reste. J'ai dit ce que j'ai donné. Hein. Ok. Action de grâce. Ah non, non, c'est pas ce que je dis. Leur argent, ton argent qu'ils ont dit. Non, ils ont remboursé. Ils disent l'argent qu'ils ont dit, ils vont te prendre ça pour que ça ne donne pas le mal pour construire. Oui. Ils vont t'aider. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cela? Ils ont utilisé. C'est cet argent qu'ils sont en train de me rembourser maintenant petit à petit. Ils remboursent doucement, doucement. Oui. Mm-hmm. Et ils prennent l'argent où alors? Pour rembourser. Là, oui. Je ne sais pas. Ok. Là, je ne sais pas. Donc tu es frustré, tes enfants sont frustrés, oui. Les gens sont frustrés là-bas. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont quittés là-bas partis que tu n'as plus vu? Bien sûr. Et si tu ne savais pas pourquoi les gens partaient? Oui. Moi je savais que, bon, cela ce qu'on nous disait, c'est qu'ils partent, ils sont sorciers. Mmh. Donc c'est ce qu'eux disent. Il y avait la sorcellerie et la désobéissance. Mmh. Oui. Peut-être on peut te dire que n'accouche plus trop. Mmh. Mmh? Oui. Si peut-être tu as fait 2 enfants, 3 enfants, et que tu n'as pas peut-être de... Tu ne travailles pas. Mmh. On va te dire que n'accouche plus. Et maintenant, quand l'enfant vient, on dit, mais on t'a dit que tu ne dois plus. Et pourquoi cet enfant est venu? Bon, le quatrième vient, le cinquième encore vient. Mais on t'a dit directement, on te met dehors. Ça veut dire que tu as désobéi. Mmh. C'était ça. Il y a beaucoup de frustrations frustrantes comme ça. Là. Oui. Et pourquoi vous interdisez de parler le patois et qu'ils ne parlent pas le patois? C'est qu'il disait que si je parle dans le patois avec ma soeur, peut-être je suis en train de parler d'une soeur, mm-hmm. d'une soeur à ma soeur, oui. Ou bien je suis en train de parler des choses de l'église à ma soeur. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils empêchaient ça. Et eux, il faut ils parlaient le patois parce que attends, ils étaient saints. Frère, c'est terrible, pardon. Ça, ce sont les situations, les déceptions de l'église, les déceptions des pasteurs. Les déceptions dans les dénominations, ceux qui souffrent de ces déceptions. Tu te rends compte que dans l'église, tu es incapable d'aller faire pipi parce que tu as peur que, bon, si je n'ai pas fait pipi, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire que non? Que tu es sorti pour aller pratiquer. Oui, donc je préfère vraiment, même les enfants, hein, ça me fait une fois, l'enfant fait les 7 dames sur elle, parce dans, que, dans oui, l'assemblée. À la douche, à la douche, parce qu'il se faisait là, t'as le temps de partir, parce que. Bon, je ne sais que non, si tu pars à la toilette, moi, comme j'évitais les problèmes, je disais, papa, pardon, hein, comme tu es là, si tu veux faire pipi, c'est... C'est le problème de Amoulin. On va rentrer à la maison, hein. Oui. On va rentrer à la maison, tu vas faire pipi. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et ils ont mis le genre que quand on chasse une personne, tu ne salues pas la personne. Donc, puisqu'on t'a dit que la personne est sorcière, rien ne t'empêche. Mais alors, on dit que la personne est sorcière, on l'appelait sœur. Sœur, voilà. Et elle a besoin de donner des dîmes, des offrandes. Mm-hmm. C'est vrai là-bas. Mm-hmm. Après, on dit qu'elle est sorcière. Voilà. Et on te dit qu'il n'y a pas de lien entre les ténèbres et la lumière. Donc, ça veut dire ceci que si tu salues celle qui est sorcière, ça veut dire que tu es sorcière comme elle. Et quand tu écoutes comme ça, tu dis que, hey, pardon, moi je suis venu servir Dieu. Tu ne salues pas. Donc, vous traversez comme ça, tu vois ta sœur. Oh, c'est terrible. Il n'y a plus de bonjour. Pourtant, vous êtes aimé au début. Pourtant, cette femme vous a aidé. T'as aidé dans une situation où quand elle était à l'église, tu étais dans une situation et t'as aidé. Et aujourd'hui, ça fait aussi que jusqu'à ce que quand tu la vois, tu baisses. Un jour, il y a une soeur qui m'a amenée dans cette église. On l'a chassée. Elle est venue à la maison et me dit, Elisabeth, pardon, je veux que tu me dises si je suis sorcière, si j'ai déjà fait quelque chose, ou bien. Je dis que non, maman. Elle dit que non, je veux que tu me dises. Moi aussi, je ne comprenais pas. Hein. Pourquoi elle disait ça? Je dis non. Et quand je viens, il me dit que vraiment, voici la sœur telle, elle est, on la met dehors. Et quand on la met dehors, on me dit carrément qu'il n'y a pas de lien entre les ténèbres et la lumière. Donc ça veut dire si tu salues déjà celle qui est partie dehors, ça veut dire que tu es contre eux, les lois. Tu retrouves le chemin de l'autre. Et c'est comme ça qu'on va te chasser, donc ça empêchait. On ne se saluait pas plus. Mais chaque fois, c'est vrai, je ne saluais pas parce que moi-même j'avais peur. Et mais chaque fois, ça revenait toujours dans mon esprit que mais c'est elle qui t'a amené à l'église. Et comme elle t'a amené à l'église, tu crois qu'elle peut elle peut chercher à te faire du mal. Une fois, je suis allée demander au pasteur que mais comment est-ce que la sœur peut avoir dans le cœur de m'amener à la repentance? Elle m'amène à l'église. Et puis, je ne comprenais pas. Il me dit que c'est faisable. Quand ils t'amènent à l'église, ils se disent que tu ne pourras pas persévérer. Donc quand il t'amène, c'est tout juste pour t'attirer. Parce que la sorcellerie. Ah ouais. Mais la sorcellerie se trouve dans les vies plutôt. Je sais pas. Et quand il voit déjà que tu persévères, il commence à te décourager. Mmh. Donc comme tu es là, méfie-toi d'elle parce que elle va commencer à te motiver de sortir. Donc depuis qu'elle t'a mené, oui. Elle n'avait pas ça. Oui. Et elle était sorcière. Oui. Et maintenant que tu as connu le Seigneur, oui. Et que tu veux suivre le Seigneur, elle qui t'a mené va te décourager. Parce qu'un moment est venu qu'elle est devenue sorcière. Oui. Et s'il te plaît, quand on me disait par rapport à cet agent, ça frustrait mes enfants. Et pour leur dire que ne vous étonnez pas qu'un jour on va vous dire que votre maman est sorcière. Et je vous dis que si on blâme une femme ici et son mari se fâche ou se met en colère, c'est qu'il n'a pas encore compris ce qui veut dire l'évangile. Le salut est personnel. Ça veut dire ceci, que quand, si on dit que ta maman est sorcière, tu n'as pas le droit de t'inquiéter, tu n'as pas le droit de te mettre en colère, tu n'as pas le droit. Donc, c'est toi qui divise les familles, divise les mariages. Voilà. Y a-t-il des témoignages comme ça? Oui. Pareil pour les mariages, ils ont célébré les mariages et il y a eu divorce. Il y a eu divorce. Divorce de gens qu'on te dit, toi le gars, que tu as épousé une étrangère. Alors ceux qui ont célébré. Tu avais dit de chasser les étrangères. Et alors que ceux qui ont célébré. Oui. Et quand ils célèbrent, ils disent ceci. C'est nous qui vous avions forcé de vous marier, n'est-ce pas? C'est toi qui es venu avec. Tu as dit que j'ai eu un songe, que c'est telle fille, c'est telle soeur, c'est telle. Maintenant, nous avons, c'est vous tout. Le témoignage, c'est donné. Oui. Et quand elle raconte ça, que ça nous vient, le témoignage, c'est donné que nous étions dans l'autre. Je ne sais pas comment tu appelles les boîtes là. La première boîte là où il y a les agriculteurs. Oui. Pendant que nous étions là-bas, on n'a pas encore fait 6 mois que madame est en train de dire que allons maintenant chez l'ambassade. On arrive dans l'ambassade qui a une petite, qui a organisé un petit truc dans son salon. Oui. Dans son salon. Comme ça avec un ami, un frère avec qui nous avons toujours été et que c'est lui qui m'a même encouragé parce que moi j'ai dit à ma femme que. On n'a pas fait 6 mois là où nous sommes déjà là. Mmh. Tu veux déjà encore m'amener dans un autre endroit. Ça c'est quoi ça? C'est toujours des femmes. Je lui ai dit, j'ai donc dit à mon ami là que, ouais frère, comment? C'est nous qui devons amener les femmes. Ce n'est pas les femmes qui doivent nous entraîner. Mmh. Il a sorti une parole là, j'ai accepté pour accepter. Et on se retrouve là-bas. Quand on se retrouve là-bas, le premier jour, on est quand même seulement avec cette dame, cette maman-là, maman Bassa, maman Ken. On est là. Quand on commence à écouter la maman-là, c'est-à-dire que mon frère-là, tu lui dis que, frère, tu regardes là où tu nous as amené. La maman ne connaît même pas un seul, c'est-à-dire qu'elle ne connaît même pas les versets bibliques. Elle n'a pas aucun message. Maintenant là, on a dans le poids, les femmes sont là, on ne sait plus comment faire moi chercher. Quelques jours après, il y a donc, elle fait donc venir deux petits Congolais. Mm-hmm. Ah, spécialiste en argent. Spécialiste en profit. L'un d'eux, d'ailleurs, je suis là déjà avec tout le bouc. L'un d'eux, ils ont déjà étudié la situation. C'est-à-dire que bon, comme pour notre cas. Mm-hmm. J'avais une situation financière. Mmh. Et vous en avez parlé. Oui, avec mon épouse. Maintenant, le type, il vient faire les prophéties. Je crois 2 jours plus tard, il vient faire ses prophéties. Peut-être que la maman l'a lu à d'un moment. Mmh. Il biaise dans un peu mon nom là. Il fait les fausses prophéties. Les fausses prophéties là. Il appelle mon nom. Il dit que Dieu lui dit que monsieur tel doit construire l'église. C'est-à-dire, la colère m'a attrapé ce jour-là. Que Dieu a de lui dire que monsieur tel qui est moulin ici, oui, doit construire l'église. Avec les yeux fermés. Il fait comme si les choses seraient comme il a demandé avec Dieu directement. Ouais, okay. Et comme c'était, c'est-à-dire que c'était visible que c'est mon petit frère. Mmh. Et moi, j'étais déjà bien couché. Mais je me suis retenu parce que, étant déjà devenu enfant de Dieu. Tu devais les taper bien aussi. Mais bien sûr. Il y a des gens qui me disent que tu fais puisqu'on sort même puisque là où nous sortions, mais c'est toujours les Congolais sont très forts dans l'histoire d'argent. Oui. Donc j'avais déjà ça en tête. Pourquoi cet esprit-là sur le Congolais partout? Parce qu'on entend, on ne fait que les décrire dans le monde entier partout. Ils sont, ils font que sont, ils font tout et tout pour tourner l'évangile, pour avoir de l'argent. Pourquoi, selon toi? Pourquoi, selon moi? Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait? Oui, que toujours, en fait, tous, oui. Selon moi, oui. Tous, c'est-à-dire tous ceux qui sont faux, oui. Le but, tout ce qui est derrière, c'est l'argent. Ok. Tous. Bon, les Congolais, peut-être parce que, comme on dit dans chaque chose, il y a des spécialités. Voilà, on va trouver que ceux-ci spécialement, ou bien ceux-ci sont spécialisés dans l'histoire. Mmh. Voilà, c'est un peu ça. Bon, bien mais après, avant que je commence à fouiller. C'est par rapport à la guerre qu'ils ont eue, oui. Qu'ils ont connu Dieu. Oui. Oui, c'est par rapport aux troubles qu'ils ont eu. Ils ont connu Dieu. Oui. Mais peut-être on peut plutôt dire que par rapport à la guerre, ils ont compris bien de s'attacher pour manger. Oui, peut-être, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Quand tu vas même dans le net, tu vas voir que quand tu vois les Kako, Philippe, oui. Les Brecht, tu vas trouver beaucoup de Congolais. En même temps, ils sont dans le christianisme. C'est parce que satanique là, oui. Ils sont dans la musique. Oui. Les musiciens aujourd'hui, c'est tous les Congolais là, ils sont pleins dans la musique. Oui. Tout ça, c'est l'histoire d'argent. C'est terrible. Et là, à l'issue de ces prophéties là, qu'est-ce que tu l'as regardé en face? Je l'ai toisé. Tu n'as pas construit l'église comme Dieu a dit. Moi. Oui. Alors que je viens d'être mordu de l'autre côté. Non, quand on finissait, quand on sortait là, je disais seulement mon ami, je t'ai bien dit que vraiment ton histoire que tu laisses, que c'est les femmes qui nous amènent là, quand même tu vois. Et quelle est la relation des femmes en tout temps? Ah là, les femmes sont complètement. Je t'ai raconté comment l'histoire est finie. Oh. Les femmes sont complètement envoûtées par ce genre de choses. Je t'ai dit que bon, la femme ne cherchant que la seule solution, même si c'est le démon qui lui dit que bon maintenant tu vas en faire, elle va accepter. Le problème c'était de mon côté l'enfant. Alors que l'autre femme qui nous avait invité, je sais pas. Elle, bon, elle, mauvais, oui, oui, elle avec c'est le prestige que bon, j'ai amené des frères, puisque nous étions arrivés là peut-être au nombre de 4. Nous n'étions pas nombreux. On s'est recruté. Revenons ici où il y a beaucoup de frustrations. Il y a ces frustrations, on essaie de séquelles dans le cœur. Qu'est-ce que tu peux dire au pasteur? Ce sont les choses qu'on regarde dans l'église aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire avec l'état des lieux? Et là, maintenant, tu te trouves maintenant 3 jours ici emprisonné dans la parole. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ce que le Seigneur me fait dans ta vie? Tout ce que je peux dire, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un temps pour toutes choses. Hein. Oui, j'ai été et le plan de Dieu vraiment. Le plan de Dieu, vraiment, personne ne peut connaître le plan de Dieu. Il a fallu que je traverse, parce que si j'entrais vraiment, si le premier jour, bon, disons que ces premiers jours que j'ai connu le Seigneur, si j'entrais chez toi, je n'allais pas connaître ces souffrances-là. Je n'allais pas vivre cela. Mais il faut toujours ça pour qu'on comprenne qu'il y a la fausse doctrine dehors. Pour qu'on comprenne qu'il y a des faux pasteurs dehors, des faux prophètes, comme la Bible l'a dit. Comme la Bible a dit qu'il y a des faux pasteurs. Donc maintenant tu les as touchés au bout des doigts. Oui, oui, oui, je les ai touchés. En même temps, les collègues se moquent même de nous. Les collègues païens se moquent. Oui, les collègues païens au bureau. Et là tu dis peut-être qu'il n'a pas encore compris la vérité. Quand tu comprends que c'est eux qui sont. Et s'il te plaît, une fois, je suis venu, frère Junior, une fois, oui. Je dormais, il était 4 heures. Oui. Parfois, comme il fait chaud, je vais souvent mes nacos comme ça ouvert. Oui. Je dormais, j'ai entendu, Elisabeth, lève-toi, lève-toi et regarde là-haut. Oui. Comme je dis, je dormais profondément. Oui. Je me lève. Je vois là-haut, je vois le soleil. Oui. Donc le soleil était comme si c'était vraiment face de moi. Oui. Le soleil, j'entends l'esprit qui me dit, tu vois ça? Je dis oui, toujours. Oui, je ne dormais plus et je me suis réveillée normalement. Oui. Oui. J'ai dit, il dit, tu vois ça? Je dis oui. Il dit, voici ce que je ferai de toi. Oui. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Je reste, je regarde le soleil. Je regarde le soleil. Je ne vais pas réveiller mes filles pour dire que venez aussi voir ce que je suis en train de voir. Mes grandes filles ne se lèvent pas. J'appelle la dernière. Elle se réveille. Je dis, Gloria, vois le soleil. Et le soleil était comme si c'était là. Juste à côté. Juste lui. Très rapproché. Oui. Et pendant ce temps, de voilà le chant qui sort dans mon cœur. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tout près de moi. Donc, je m'adressais comme ça à l'Éternel. Je dis, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et pendant ce temps, le soleil, donc, toute la forme du soleil, donc, ça brillait. Je reste, je regarde. Le soleil là est parti. J'ai regardé l'heure, il était 5h30. Quand c'est parti. Le deuxième jour, j'entends encore la voix qui me dit, lève-toi. Je me lève, je regarde encore le soleil. Il était là 5h. Parce que ça fait comme ça 3 fois. Le troisième jour, le soleil est parti à 6h30. La deuxième fois, je suis partie appeler ma grande fille. J'ai dit, Cathy, je t'avais parlé hier que le soleil, j'ai vu le soleil. Lève-toi, tu viens voir. Cathy vient voir sur le soleil. Waouh, maman, c'est beau. Waouh. Pendant ce temps, le Seigneur ne fait que me dire, voici ce que je ferai de toi. Voici, j'ai dit à Abraham de lever les yeux. Voici ce que. Je dis, Seigneur, moi. Tu as dit, je suis qui ici dehors? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est de quelle famille? Voilà. Je dis, Seigneur, moi, je fais que regarder. J'admire. Et ce dans ton cœur, joie. Oui. Pendant ce temps, je fais que louer l'Éternel. Pendant ce temps, je fais que le louer. Je regarde. Je dis, j'ai regardé le soleil jusqu'à ce que ça parte. Quand je pars, je vois le pasteur. Je dis, papa, je vois la prophétesse. Je dis, maman, j'ai vu quelque chose dans la main. Voici ce que j'ai vu. Voici. Je vous dis, elle n'a rien dit. Donc c'était comme si, tu viens nous dire ça par rapport à quoi? C'était comme si, depuis quand toi aussi, tu as souvent... Voilà, elle n'a rien. J'ai encore eu honte de moi-même. Je suis rentrée derrière, j'ai dit, ah, c'est comme si moi-même, j'ai seulement... Dérangé la place. Oui. Mais quand tu avais donné la dîme à son mari, au là-bas, comment était l'accueil? L'accueil était bien chaleureuse. Je vous dis bien que l'accueil était bien. Elisabeth, oui. Donc, tout était au petit soin. Tout ce que je voulais vraiment, on pouvait me donner. Mais quand j'ai dit, par rapport au soleil, je suis restée. J'ai dit, ah, peut-être que j'ai imaginé. J'ai demandé, Cathy, quand je t'avais appelé dans la nuit, là, tu avais aussi vu le soleil. Cathy me dit, oui. Donc, ça dit qu'elle ne croit pas ta vie. Au point où tu doutes même de ce que tu as vu. Voilà. Tu réfléchis, peut-être que tu ne t'es pas trompé. Voilà. Voilà. C'était ça. Jusqu'à la dernière, donc, tout, comme le troisième jour, c'est parti jusqu'à 6h30. Donc, nous tous, on avait la possibilité de voir le soleil là. J'ai vu ce soleil. J'ai dit, ah, 3 jours. Donc, tout ont vu. J'ai dit, Seigneur, c'est merveilleux. Mais quand je suis allée raconter, même quand je voyais même les songes, je partais dire, mais quand une personne de l'heure, voilà, vient, on a vu, c'est ça qu'on va prendre, on va parler. Voilà, c'était comme ça, à l'hôtel. C'est ça. Et beaucoup de gens sont frustrés comme ça dans les églises. Pourquoi les gens sont frustrés comme ça et ils restent toujours? Alors que l'église devait être le lieu des solutions. Puisque la Bible déclare que c'est la colonne et l'appui de la vérité. Pourquoi donc la colonne où la vérité s'appuie? Ça veut dire que la source même où on doit dispatcher la vérité, la lumière, le sel, on vient trouver l'amertume, les ténèbres à l'intérieur. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ancien, qu'est-ce qui peut expliquer? Le fait que là on est censé trouver la vérité, comme les frustrations que vous semblez rencontrer et que beaucoup de personnes en ont trouvé. Beaucoup de personnes sont frustrées, ils sont retournés à eux-mêmes. D'autres ne veulent pas entendre parler de l'évangile, ni en commun la Bible, en commun les pasteurs, ni les églises. Parce qu'on dit les églises réveillent, on disloque les familles, créer les troubles dans les foyers, ainsi de suite. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que quelqu'un cherche la solution de l'extérieur, ne veut plus aller chez le marabout, mais veut venir vers Jésus? Tout le monde est pire que chez le marabout. Qu'est-ce qui peut expliquer? Tu répondais par l'ignorance. Je ne veux pas que ce soit un peu plus que le peuple de connaissance. Et donc, je retourne dans ces églises, dans l'espoir de trouver une solution à leur problème. Là, on en est du monde. Je se retrouve dans la zone de plus. Je prends mon cas. Je prends mon cas. C'est-à-dire que je suis avec mon épouse. Je pense que le temps n'a pas d'enfant. Je je t'ai montré un peu toutes les marches de Paris. Oui. On se retrouve dans ces églises. Tu vois donc le motif qui m'amène à l'église, c'est pas Dieu. C'est la solution, chose, voilà, oui. C'est la solution à mon problème. Conséquence, je suis ignorant de Dieu. Oui. Donc, l'autre conséquence aujourd'hui, c'est que si je trouve un lourd abyssel, il use des personnes que tu ne saches. Voilà. Maintenant, lorsqu'on passe par une étape de la vie, ça nous donne des enseignements et ça nous permet d'être les maîtres dans ce domaine pour pouvoir enseigner aux autres. Merci. Avec vos expériences, qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui voudrait s'aventurer dans ces églises-là? Tout ce que je peux dire à quelqu'un qui peut s'aventurer, c'est que qu'il ait le discernement sur toutes choses. Comment quelqu'un va vouloir avancer dans le ténèbre avec le discernement? Comment? Voilà. Pour avancer vraiment comme frère Masselin a dit, l'Éternel a dit, mon peuple périt pour faute de connaissance, parce que nous n'avons pas de connaissance, mais les sens. Donc, ce qu'il faut, c'est que vraiment, quand on vient demander, quand on vient dans la maison de Dieu pour le chercher, ce que je peux dire, c'est que quand tu demandes au Saint-Esprit, parce qu'il y a des choses que quand tu vois pas les actes, comme Dieu a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Et l'Esprit de Dieu ne trompe pas. Tu vois, il y a des moments où, quand ça se passe, l'Esprit de Dieu te dit ici, non, c'est pas bon. L'Esprit de Dieu, mais c'est que, comme le corps est déjà trempé, donc on prend souvent nos pasteurs là comme des dieux. Donc, parfois on dit même que les catholiques sont des idolâtres, même des pentecôtistes. Même, j'ai vu ça, même des pentecôtistes sont des idolâtres. Oui, parce que si on prend déjà nos pasteurs comme des dieux, ça veut dire que c'est l'idole. Ouais. C'est de l'idolâtrie. Donc, ce que je peux dire, c'est que nous ne devions pas. Jésus est venu nous rendre libres. Nous ne devons plus être dans la servitude. Parce que le pasteur ne peut pas rester. Il te dit, voici, Dieu m'a dit que voici, tu vas travailler chez moi. Il te montre le passage. Comme moi, je suis quitté d'une société pour l'autre parce que on m'a dit, voici, Dieu m'a dit. Et le passage qu'on m'avait donné, ça concernait les hauts, les serviteurs de David. Les hauts fonctionnaires de David. Voilà, c'est ce qu'on m'avait donné, on m'avait dit. Mais par contre, une chose que j'ai oublié, c'est que quand on m'a donné le passage, voici ce qu'elle m'a dit. Elisabeth, voici le passage que Dieu a donné. Qui a dit ça? La prophétesse pour venir travailler ici. Elle m'a donné les hauts fonctionnaires de David. Bon, si je suis arrangé la situation. Oui. Vous allez travailler dans une entreprise. Oui. La prophétesse sort un jour. Oui. Elle vient vous dire quoi juste avec ce passage? Elle me dit, voici, l'Éternel leur a dit que moi je dois travailler, je dois laisser là-bas, là où je travaillais, je dois venir travailler chez eux. Chez eux dans la maison. Non, comme comme volontaire, comme dans leur boutique. Oui. Dans leur boutique, donc je dois venir gérer la boutique. Quoi. Oui. J'ai dit ok. Non, je n'ai même pas d'abord accepté. Oui. Ça m'a d'abord. J'ai dit, avec tous les avantages que j'ai, d'abord regardé les avantages que j'ai dans la société là. Mais est-ce que ceux-ci vont me donner? Après, j'ai dit, ah Seigneur, tout ce que tu fais est bon, je ne dois pas seulement suivre l'argent. Voilà. Après, ils ont lu dans le passage. J'ai dit, ok, je dois aussi aller prier. Et je leur ai dit ça. Il faut que moi aussi, je dois aller prier pour que le Seigneur me confirme. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont plus répondu, ils n'ont pas répondu. Donc ça, ça n'a pas répondu. Oui, ils n'ont pas répondu. Est-ce que quand tu as dit comme ça que Dieu a dit comme elle est prophétesse, tu acceptes? Il faut que j'accepte. Voici que quand moi aussi je rentre, je me mets à genoux, je dis Seigneur, voici, tu m'as dit, tu as dit à la prophétesse que je dois aller travailler. Je veux que toi-même, comme je t'ai dit tout à l'heure que nous on ouvre la Bible. Oui. Je veux que toi-même tu me parles par rapport à ta parole ici. Oui. Est-ce que je dois aller travailler là-bas? Oui. Mais il y a une chose que je comprends, c'est que Dieu ne m'a pas dit ça. Oui. Mais comme j'étais déjà convaincue dans leur parole, oui. Oui, j'ai oublié seulement le passage que Dieu m'avait donné. Oui. Mais si je me souviens, je vais aller regarder dans mes cahiers parce que j'avais noté, je pense. Oui. Dieu ne m'avait pas dit ça. Mais comme vous savez, tu es influencé. Oui, c'est que ce sont des sont les parce que si Dieu a parlé, c'est vraiment Dieu. J'ai accepté. C'est comme ça que j'accepte de venir travailler chez Dieu. Et quand je lève, je dis d'abord mes enfants que voici à m'appeler. Mes enfants d'abord, ils ont dit. Chacun a compris que c'est pas bon. Oui, ils ont compris parce que mes enfants allaient souvent travailler là-bas, les week-ends, dans la boutique, là, ils partaient souvent gérer là-bas. Donc ils comprenaient que là-bas, hein, maman, là-bas. Ces moments de travail, si c'est hormis tout ce que tu as raconté, les déboires que tu as vécu là-bas, mais c'est pendant cette période. Non, c'était avant. Avant, oui. Okay, là, j'étais en train de. J'étais dans. Mais mon mari venait de décéder. Oui. C'était avant. Oui. Oui, c'était avant. Oui. Là, je ne connaissais pas encore la parole et tout et tout et tout. Tu pouvais te manipuler avec ce dit l'éternel. Voilà. Voilà. Et tout et tout, je ne connaissais pas la parole. Et je savais que non, si je trouvais ces gens comme des saints. Des saints. Quand je suis arrivée là-bas, quand j'arrive à l'église, quand mon mari décède d'abord, ils viennent à la maison avec l'enveloppe de. Je pense que c'était 100 000. 100 000 pour me consoler. Oui. Après, je dis, ok, j'ai vraiment tant fait de désordre, mes enfants sont arrivés à l'église. Et mes enfants ont fait 9 ans dans cette église avant que moi je ne vienne. Oui. Et il faut que maintenant, moi, je dois donner ma vie au Seigneur parce que j'ai compris que sans le Seigneur, je ne suis rien. Mmh. Voilà, par rapport à la lettre que je vous ai dit que mon mari m'a écrit pour dire que. Qui, à ce bas âge-là, a amené les enfants dans cette église? C'est ma fille. C'est ma fille qui a amené les enfants à l'église et c'est ma voisine qui a, conduit ses enfants à l'église. C'est d'elle que je suis en train de dire qu'on a chassé. Mmh. Voilà. Pourtant, c'est elle qui les transportait étant bébé, elle portait, elle amenait à l'église. C'est dès que je suis en train de dire qu'on a chassé. Et ma fille est restée là-bas, ils sont restés 9 ans plus tard. Moi, j'ai suivi. Et quand je vais maintenant, c'est comme ça qu'on commence à dire, ok, si on t'appelait ici, c'est parce qu'on voulait voir ton comportement. Je regarde encore mon comportement, je dis que, ok, je suis comment? Je dis d'abord à mes enfants que je dis, dis-moi un peu, parce que nous, on vit ensemble. Si j'ai quelque chose en moi qui n'est pas bien, pardon, dis-moi. Mes enfants disent que maman, nous, on connaît que toi, alors, avec le babadage. Je dis, ok, moi, je sais que ça. Parce que mon babadage, c'est quoi? Comme je connais le Seigneur, je suis toujours tendance à parler du Seigneur. Donc quand ces gens, les païens, viennent à la boutique, mon rôle c'est ça. Et ils sont en train de me dire que non, on ne veut pas voir des païens, 30 minutes. Je reste encore, je dis que, okay. Tu ne dois pas faire des liens avec des païens. Tu ne dois pas durer avec la conversation avec des païens. Tu ne dois pas. Donc, tous ceux qui entrent à la boutique sont des païens, il faut que je cause avec les enfants de l'église. Même quand je cause avec même celle qui est dans une autre église, c'est un problème. Soit si je cause avec celle-là, ça veut dire qu'ils sont en train de prendre leur secret dans la maison pour aller leur dire. J'ai dit, ah, ça ne passe même pas dans ma tête. Parce que moi, dans ma tête, c'est la première fois que je vous parle de ça. Parce que dans ma tête, je savais que quand on parlait d'un serviteur, il est maudit. Mmh. Vous avez appris qu'on ne touche pas à le loin de Dieu. À loin de Dieu. Voilà ce qu'on nous disait. Quand vous leur parlez, vous allez voir les malédictions dans voilà, vos vies. Voilà, voilà. Vous avez vu Saül? Vous avez vu David a fait, mais David a dit que ça s'éloigne de moi parce que c'est ton. Voilà, c'est pour dire ceci que quand Dieu a choisi un serviteur, mais oui, ne tente pas. Donc j'avais peur. J'avais peur. Je disais que non, je ne veux pas. Là, je ne sais pas, tu bouges la tête. Je suis dépassé d'entendre les souffrances de notre soeur et de notre frère bien-aimé, ce qu'ils ont vécu parce qu'ils étaient à la recherche du Seigneur. Ils sont tombés dans les mains de nous ravisseurs et qui les ont vraiment ravis à leur gré. Beaucoup sont encore dans le monde entier qui souffrent. Qui souffrent actuellement. Beaucoup. Beaucoup. Comme je vous dis là jusqu'à présent, dans cette église, il y a des gens qui souffrent. Non mais attends, pendant qu'on est hier, il était question, enfin parce que tu es sorti de chez toi pour venir ici, parce que normalement tu devais sortir ici et puis rentrer encore dans ton église. Oui. Mais maintenant tu as dû parler de cette église là comme si tu étais là sorti. Quelle est ta situation même au juste? C'est que je suis sorti. C'est même plus pour rentrer encore. Ça veut dire que je suis sorti. Mais si c'était que je devais rentrer, explique-nous. Je vais rentrer aujourd'hui. Explique-nous. Parce que tu fais le culte demain. Explique-nous comment tu es sorti, donc pourquoi tu as nos édifices. Vous dites que vous écoutez, Elisabeth. Elisabeth, tu sais comment dire, là, une fois de plus. Elisabeth, elle nous explique son témoignage. Comment tu es senti. Mmh. Si je dis que je suis sortie, c'est parce que, en fait... Ils ont baissé la voix maintenant. En fait, c'est que mon esprit n'y est plus là-bas. Je ne suis plus là-bas. Parce que j'ai compris que tout ça, c'est la boue. Il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la vérité. Tout ça, c'est Satan. Tu me permets de ramener quelque chose. Oui. Tu nous as fait comprendre que ce qui t'a amené ici, oui, c'était de boxer le pasteur sans les gants. Effectivement. Oui. Parce que, en quelque sorte, tu avais la vérité et tu étais dans la vérité. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant par rapport à ta pensée et par rapport à ce que tu as rencontré et ce que tu as entendu? Tout ce que je peux dire que quand je venais, j'étais comme Paul. Hein. Quand Paul partait combattre les chrétiens. En route maintenant, on l'a frappé, il est devenu aveugle. Oui. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai été frappé d'abord dans l'accident. Oui. C'est ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé ici là, j'ai compris que, Seigneur, si tu as voulu que je tombe là, c'est parce que tu as voulu, parce qu'il y avait quelque chose. Tu savais que je venais, effectivement, je venais comme ça pour dire au pasteur que vraiment, arrête de dire aux gens que le péché originaire, c'est l'adultère. Oui, si tu avais pris ma soeur dans tes roues là. Oui, arrête. Parce que moi, j'ai demandé à mon pasteur, le pasteur a dit que je prenne la chose comme il est écrit, c'est le fruit. Mais toi, tu viens me dire, c'est l'adultère, comment? Arrête ça. C'est la sorcellerie, parce que regarde. Et aujourd'hui, je comprends que vraiment, ces pasteurs-là savent même la vérité. Ils savent, mais ils refusent de nous dire la vérité. Parce que quand on dit que fruit, que est dans ce fruit-là? Et si c'est la mangue, pourquoi est-ce que nous sommes toujours en train de consommer cette mangue? Et si c'est l'orange, pourquoi est-ce que nous sommes toujours en train de... Donc ça veut dire que nous sommes toujours dans le péché. On mange toujours le péché, même comme on dit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Donc on arrête. Il est temps que la vérité triomphe. Qu'on arrête. Si quand Dieu a dit A, qu'on dise le A. Donc, depuis le moment où ta soeur venait te rendre compte de ce enseignement-là, et tu allais vérifier chez ton pasteur a dit non, ça ne peut pas être ça. Tu as décidé de venir en découdre avec nous. Tu n'es pas encore allé voir ton pasteur. Ouais. Tu es calé pendant 3 jours. Je suis calé pendant 3 jours. Et s'il te plaît, le moment où ma soeur vient me dire, ce n'était même pas dans un lieu où on pouvait s'asseoir, on causait. Oui. C'était dans une fête. Oui. Une grande fête. Oui. Une grande. Donc, il y avait la musique qui passait. Mais vous n'avez pas arrivé sur ces sujets. C'est ça le problème, je ne comprends pas. Donc, moi j'étais là, j'étais en train de manger, j'étais avec mon plat debout. Je comprends, elle me dit, ma soeur, viens t'asseoir. Avec ta jupe de champagne en moi. Je viens t'asseoir. J'ai dit, le péché, c'est quoi? Le péché originaire, c'est quoi? J'ai dit, c'est le mensonge. Et je prenais ça comme si c'est un petit truc. Non, comment tu peux me demander les petits trucs comme ça là? C'est le mensonge. Oui. Je dis quoi? Mon pasteur dit que j'ai un monsieur là-bas qui m'a dit que c'est. Il dit, ah, dis donc, laissez-le. Elle a été troublée. Oui. Ça a choqué ma tante, tu te rends compte. Ma mère me disait qu'elle n'allait pas avec toi. Ma tante m'a été troublée. Non, elle m'a dit qu'il a raison. Mais quand j'ai commencé à trop parler, je vais aller lire. Hein? Et s'il te plaît, qu'a fini de me dire? À l'instant, je dis que si j'avais même la Bible, j'allais même lire. Mais c'est que j'ai dit que non, l'histoire, c'est que Béla m'a dit là, je ne pourrais pas dormir sans lire ça. Je ne peux pas dormir sans lire jeunesse là. Je vais seulement... Quand je prends ma Bible, je dis, Seigneur, éclaire-moi. Donc, après, fini, maintenant, tu rentres. Je rentre, je dis que non, je dois lire ça. Oui. J'ai lu un gros pont. Je lis encore. Tu cherches pour tu vois. Oui. Je pars, tu sais, les petits versets là nous envoient souvent dans. Je ne comprends pas le sens. Je dis que moi aussi, je suis parce que je t'aime. Là, je savais la personne que ton pasteur est bon. Entre-temps, quand elle m'appelait, je l'appelais aussi, je n'arrivais pas à la voir. Voilà, entre-temps, je faisais que l'appeler, j'ai dit pour lui dire que. Mais moi, je suis en train de dire ici, jeunesse, et tu me dis. Donc, je fais que me dire quoi? Dis donc, arrête ça. Je ne parviens pas à la voir. Je dis, ok, je vais voir le pasteur. Quand je parle, je dis, pasteur, s'il te plaît, le péché originaire, c'est quoi? Il dit, c'est le mensonge. Je dis, ah. Ton pasteur, il se mentit le Congolais, là. Oui. Que c'est le mensonge. Je dis, le mensonge. Mais pourquoi il y a un frère qui a dit que c'est l'adultère? Non, non, c'est le mensonge. Dieu avait recommandé à Adam de ne pas manger le fruit. Voici, voici, voici. En tout cas, faut pas suivre ces gens-là, hein, parce que c'est eux qui vous amènent. Et tu es venu me suivre. Voilà. Non, je ne venais pas te suivre pour te dire que vraiment tu as raison. Oh. Je venais seulement te suivre pour te dire que laisse ma soeur. Dis les choses comme il est écrit, c'est pour lui. Oui. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire alors par rapport à la lumière et les ténèbres? Quand quelqu'un est dans les ténèbres, peut-il avoir l'idée de la lumière? Non. Mais il a l'assurance qu'il est dans la lumière. Oui, il a, oui, oui. Qu'est-ce que tu peux dire alors à tes soeurs et à des frères qui ont dans leur cœur la certitude que s'ils meurent dans la religion, ils vont aller au paradis? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce que toi aussi, tu sors de là. Qu'est-ce que je peux dire à ceux qui croient? Oui, ça veut dire qu'ils croient, qu'ils croient. Qui croient qu'ils peuvent aller. En étant sincère. En étant sincère. Oui. Mais pourtant, en réalité, la croyance qui croit n'est pas la vraie croyance qu'il faut croire. Exact. Ça. Parce qu'à la fin, ils vont dire qu'en tout cas, Dieu est partout. Hein. Que j'ai pas, j'ai que si le pasteur fait ces choses là-bas, ça se regarde. Dieu est partout. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tout ce que je peux leur dire, vraiment, la seule chose qui peut nous éclairer, hein, la seule chose qui peut nous éclairer, comme le frère nous a dit hier, j'ai retenu ça, il a dit que le Père a envoyé Jésus, le Fils. Jésus aussi est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui éclaire. Bon. Si vraiment nous cherchons Dieu, parce que je sais que si je partais devant Dieu parce que je voulais peut-être le mariage, mmh, ou je voulais autre chose, je pense que je n'allais pas avoir la vérité. Mmh. Oui, je pense ça. Mais le fait que je suis partie devant, c'est vrai, je suis partie devant lui parce que je voulais la consolation. Mmh. Et je savais que près de lui, il y avait la consolation parce qu'il est le consolateur. Mmh. Et oui, c'était ça. Et je voulais le chercher, le connaître parce que avant, mon Dieu était mon époux. Mmh. Mais du moment où il est mort, j'ai senti que j'étais déjà libre, j'étais seule. Mmh. Et comme je suis seule, ça veut dire qu'il y a les loups qui sont près de moi. J'étais déjà, mmh, au point où on devait seulement me dévorer de pain et de voilà. Mmh. Donc, je voulais vraiment chercher l'Éternel parce que je savais que avec l'Éternel, j'ai l'assurance, parce que j'ai la protection. Mmh. Je pense que c'est ça qui m'a sauvée. Mmh. Le fait de chercher Dieu en esprit et en vérité, c'est ça qui marche. Et si toute personne, si ceux-là aussi qui sont en captivité, mmh, actuellement, s'ils peuvent le faire, chercher l'Éternel de tout leur cœur, vraiment, tu cherches, parce qu'il a dit frappe et j'ouvre. Je pense que cette parole-là n'est pas seulement là pour dire qu'on récite. Mmh. C'est vraiment ça. Vraiment, quand tu frappes à cette porte, mmh, Jésus t'ouvre. Et c'est pour ça que je suis sauvée aujourd'hui. Mmh. Donc, que toute personne aussi qui sont dans... Si ces gens-là sont dans la captivité, vraiment, qui crient à Dieu. Il y a beaucoup qui sont dans ces... Parce que dans la dénomination où tu étais, où le passé fait, malgré ces manigances, mmh, malgré ces choses-là, les ignominies qui s'y commettent, mmh, les gens semblent ne pas voir. Mais ils continuent en sachant qu'ils croient Dieu. Même ceux qui ont cette hypocrisie dans leur cœur continuent à jouer le jeu sans se poser de questions, en arrêtant la Bible dans les mains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire à ceux-là? C'est-à-dire que dans votre milieu, vous avez raconté un cas là où quelqu'un, où le pasteur raconte à telle personne, fait attention à telle personne, il est sorcier. Mais ils sont là-dedans. Et la personne entend que telle personne est sorcier, mais il continue à voir l'autre comme un démon. Mais étant dans le même milieu, ça c'est l'hypocrisie. Oui. Et oui. En montant la haine contre quelqu'un, oui, dire que celui qui a la haine contre son frère est un meurtrier. Oui. Et on commence à vivre en meurtrier. Oui. Et pour ne pas la meurtrier à cause des messages, à cause des pasteurs. Oui. Tout en croyant qu'on va mourir à l'eau au paradis. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux-là qui sont dans cet état-là? De nettoyer le cœur. Comment pour nettoyer le cœur? Parce que. Oui, quand tu nettoies ton cœur, comment? Puisque tu sais déjà qu'en Jésus, il n'y a pas la haine, il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas le meurtre. Maintenant, parce qu'il y a une partie là, c'est la partie là aussi m'a sauvé. Hein. La partie-là m'a sauvée vraiment. Parce que le moment où il y avait toutes ces choses-là, dans mon cœur, moi, je voyais comment Jésus est amour. Voici, on me montre ceci. Je voyais ces deux choses-là, je sais que, mais comment? Seigneur, c'est vrai, je suis déjà un peu dans ça. Parce qu'aujourd'hui, moi-même, je suis déjà hypocrite. Mmh. Tu vois, mais tout ce que je veux, mets en moi ton amour, balaie en moi tout ce qui n'est pas de toi. Ça m'a sauvé. Et le moment où j'ai commencé cette prière, je vous dis, mes frères, l'histoire de jaloux, de calomnier a commencé à disparaître. Mmh. Le fait de voir mon frère sorcier, j'ai pris, comme Jésus m'a dit, aime tes ennemis. J'ai commencé à t'aimer, même si c'est que tu es mon ennemi, je vais t'aimer. Donc c'est la seule chose pour nous enlever de là. Si nous ne marchons pas comme ces gens-là nous disent de marcher, de craindre peut-être ton ennemi, de craindre tu as ton frère, voilà. Si nous marchons toujours par amour. On a donc comme impression que les gens craignent beaucoup plus de pasteur là que Dieu. C'est parce que c'est le constat là. On a comme impression que les membres de ces assemblées craignent beaucoup plus Dieu, les pasteurs et sa femme par rapport à Dieu. Parce que personne ne nie ce qu'il dit de les écritures. On a comme impression qu'on m'a envoûté. Donc, le mot alors devrait être de sortir du milieu d'eux, dit le Seigneur. Parce que, après tout, tu n'as que trouvé la solution de sortir. Non, parce qu'il en train de dire qu'ils ne connaissent pas, ils sont encore trempés dans les ténèbres. Oui, mais toi qui es sorti, voici la réalité. Les ténèbres, quand tu es dans les ténèbres, c'est dimension après dimension. Donc dans les ténèbres, tu ne peux pas voir la lumière. Donc convaincu n'est pas convaincu. Tu peux être convaincu que je suis au bon endroit. Pourtant, tu n'es pas converti. Voilà. Maintenant, puisque toi tu as expérimenté et tu as vu toutes ces choses, quand tu t'es mis au repos à la lumière, tu as maintenant observé et constaté que les ténèbres étaient très approfondies. Le message pour les autres, c'est quoi? De sortir donc, dans ces lieux, voilà, au milieu d'eux. De sortir. Et maintenant, c'est quand même terrible. Et qu'est-ce que tu peux dire? Voyant que, d'après tes autres, nous avons remarqué que la chose qui t'a aidé, c'est ta motivation. Premier. Parce que ta motivation était bonne. Mais ensuite, il y a une seconde chose, c'est que tu fouillais les écritures. Parce que personne ne t'a enseigné que si la prophétesse te dit par exemple quelque chose, tu vas demander à Dieu. Bien que tu étais ignorant. Mais quelque chose te faisait croire que Dieu parle par sa parole, dont il peut affirmer. Ces choses-là étaient en toi. Et ensuite, le discernement. Ce que la plupart n'en ont pas. C'est-à-dire entendre et regarder ce que tu vis le jour et la nuit. Mais tu manquais de force. Il a pris au Seigneur de tendre la main et de t'accorder cette force-là. Maintenant, à partir de là, comment tu vas regarder les milliers qui sont dans la religion? Pas seulement dans ton cas, dans ton quartier, mais dans tout le monde entier, parce que les gens en souffrent. Tu n'es qu'un cas parmi tant d'autres. Tu n'es qu'un cas qui a reçu la grâce du Seigneur parmi tant d'autres qui a reçu. Comment je peux les regarder? Parce que le matin, ils sont contents. Dimanche, moi, je vois qu'ils sont des esclaves, non? Ils sont encore dans la captivité. Aujourd'hui, le regard qu'on peut avoir pour eux, c'est un regard de compassion, de miséricorde, vraiment, d'intercéder pour eux. Oui, c'est ça. Il y a cela, 4 jours, 5 jours, tu étais sûr que tu es au bon endroit. Oui. 3 jours après, maintenant, c'est fort là-bas. Courage. Par contre, pour ses enfants, parce que moi c'est ce que je peux dire, parce que pendant qu'on passe, on parlait de tout ceci, je regardais mon côté aussi. J'ai mes petits frères, bien qui, je peux dire que je suis comme leurs parents aujourd'hui, qui sont dans le Christ. Chacun est déjà dans cette dimension, c'est des grandes personnes aujourd'hui. Il y en a même qui ont des situations sociales. Parce que c'est souvent difficile. Quand quelqu'un n'a pas une situation sociale, c'est facile de l'entraîner, c'est facile de le convaincre même d'une erreur. Mais quand quelqu'un a déjà une situation, ça devient très difficile. Alors donc, je suis en train de penser que quand je vais arriver, je dois faire écouter ta vie. Je vais au moins, étant l'aîné, étant leur grand frère, je vais les appeler, je dis, je mets la cassette, je dis, suis-moi. Que le Saint-Esprit fait ce qu'il a fait. À la fin de la cassette, je vais parler durement. À la fin de la cassette, je vais parler durement. Donc, il n'y a pas marché tellement. tu as fini, je suis ton aîné, voici ma position. Oui. Je dis, dès aujourd'hui là, je ne te conseille plus de continuer dans ces choses-là. Parce que tu seras en désobéissance à l'éternel. Qu'est-ce que tu entends? Voilà ce que moi je vais raconter. Ma soeur, depuis que tu es venu, là tu vois la main, le sang, t'as les mains comme Pilate. Depuis que tu es là, dis-nous ce que tu as appris. Et quelle est la différence entre. Parce que là, ça fait combien d'années tu y es dans cette dénomination? 3 ans. Combien? 3 ans. 3 ans là-bas. Et en 3 jours, tu as déserté. Quelle est la différence entre les enseignements de 3 années et les enseignements de 3 jours? Explique-nous, ça se passe, je ne comprends pas ça. J'ai compris beaucoup de choses, frère Julien. Et tu es venu avec un habit, tu as calé depuis 3 jours. Vraiment, avec le même habit. Ça fait partie du témoignage. Et tu devrais donner à même à tes enfants, même à ces professions. Pendant 3 jours, je suis parti manger. Et ça me fait frère Achille, dans la Bible, ça me fait surprendre. Je me souviens de ces témoignages des gens qui ont suivi Jésus-Christ, qui n'ont pas mangé pendant 3 jours, qui laissent mal à l'habiter. Juste ça, c'est le Seigneur qui a dit que non, ils sont faim. Donnez-les à manger. Voilà. 3 jours. 3 jours. Assis. Pas qu'ils étaient derrière le miracle. Non. Ils étaient là assis à écouter. Ils parlent. Le jour se lève, la nuit se couche. Ils se couchent derrière les herbes, après se lèvent, ils parlent. Ah, Seigneur. La prophétie est dans la marche. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton âme, dans ton cœur, alors que tu écoutais tout ce que tu as écouté ici, tu as vécu, et Dieu merci, tu es venu beaucoup, en ce moment où ce Saint-Esprit fait beaucoup de remous tout autour de nous et tu vois les choses se dérouler. Qu'est-ce qui a été inscrit dans ton cœur? Comment est l'état de ton âme? Je me sens libéré. Je me sens libéré. Parce que j'étais vraiment dans la servitude. Tous les jours, il fallait toujours offrir à l'autel. Mais aujourd'hui, j'ai compris que Jésus, il est le sacrifice, il est le sacrificateur, il est le sacrifice, il est le temple. Donc, je suis le temple. Et Jésus a déjà payé le prix pour moi. Donc, les histoires qu'il faut toujours briser, il faut toujours prier. Non, non. Si je suis dans la nouvelle nature, donc si je suis maintenant venu en Jésus, ça veut dire que tout ce qui est ancien est passé. Voilà, je suis maintenant une nouvelle créature. Donc, je suis libéré. Oui, j'ai. Plutôt les hôtels. Le problème maintenant, c'est mes enfants, comme il était en train de dire tout à l'heure, vraiment là, il va se faire. Il faut prier que Dieu te donne la sagesse pour pouvoir l'amener. Voilà. Personne ne peut donner le conseil. Dieu qui t'a fait venir ici va continuer à t'utiliser. Amen. Qu'il fasse de toi ce qu'il lui plaît. Bon là, si le faussaire te baptise dans la fausseté, qu'est-ce que tu as dit? Le faussaire c'est qui? Mais... Parce que tu ne dors pas. Non, tu ne dors pas. Je suis avec nous. Avant que toi tu n'as rien à dire. Il me vient à l'esprit que ton pasteur a été trop beau. S'il était une femme, on aurait dit que c'est un démon. Dieu, le pasteur là, il ressemble à quelqu'un qui se lave dans le miel. Je vous assure, je l'ai vu avec sa femme, beau, soigné, traité. Il ne souffre pas. Il ne souffre pas, mais cependant, il a des champs, il a des plantations. Quand il finit de regarder comme ça, un Congolais. Pourquoi les Congolais? Les champs ici. Il est congolo-camerounais, comme ça pour les affaires. Congolais-camerounais. Congolais-congolo-camerounais. De toute façon. Oui. De toute façon. Et c'est pour ce que tu dis. Parce que c'est ce qu'il mange. Oui, c'est ce que je dis. En fait, je veux dire qu'il les utilise comme des esclaves. Donc, pour le pasteur envoie les gens dans son champ alors. Oui. Non, elle me met travail. Et puis, les gens sont aussi dans son champ. Elle peut appeler un frère tel. Viens m'aider. Bon, il vient, il travaille de matin jusqu'à 17h. Dans le champ. Oui, dans le champ. Mais il y a une situation que tu étais allé nous expliquer par rapport au fait que tu as quitté ton travail pour travailler là-bas. Comment ça s'est arrêté? Comment ça s'est... Au travail. Dans ton travail, il était question que tu as fait ce travail. Oui. Et que la prophétie t'a donné une révélation que le Seigneur t'attendait à travailler avec eux. Oui. Comment as-tu fini avec eux? Elle a dit ça. Non, elle a dit qu'elle a quitté Alain Bayou, veut savoir comment ça a fait pour s'arrêter. Non, ça s'est arrêté comment? C'est ce que je suis en train de dire que quand l'argent que je suis, je t'ai dit tout à l'heure, est fini, les problèmes ont commencé. Et quand les problèmes ont commencé, oh la boutique ne marche pas, oh la boutique est ceci, voici. Bon, le mois de novembre, le pasteur m'appelle, il dit Elisabeth, tu vois que la boutique, mais je savais que c'était une sorte, c'était déjà pour me dire de partir. Voilà, mais il dit que tu sais que la boutique ne marche pas, vraiment il ne faut pas qu'on te date, sachant que peut-être à décembre, on ne va pas te payer, quoi. En tout cas, dans mon cœur même, je voulais partir, mais je cherchais les moyens parce que je n'étais plus à l'aise. Tu vois un peu, parce que je vous dis que je mentais dans... Je vivais dans le mensonge. Donc, ce que je ne suis... Vous vous rendez compte que peut-être le pasteur vient, le client est arrivé, il y avait le client. Mais quand le client part, il parle du client. Elisabeth, je t'ai déjà dit que tu ne dois pas... Et ces gens-là sont demandants. Ces gens-là... Il vendait sa boutique, il vendait seulement pour les chrétiens. Qu'est-ce qu'on vendait derrière la boutique déjà? Tout ce qu'on vend dans les supermarchés, oui, tout ce qu'on vend dans les supermarchés. C'était... Et là, tout le monde allait écouter le monde. Voilà. Et ça faisait sens que quand le client revient, puisqu'on était en train de parler, directement, c'est comment ça va. Et moi, je ne connaissais pas ça. L'hypocrisie. Oui, l'hypocrisie. Donc, j'entrais déjà dans ces jeux-là. Maintenant, j'ai senti que non, j'étais plus clair, je suis plus droit, je suis plus celle que je suis. Parce que quand je ris avec toi, je ris. Et quand je suis fâchée, vraiment, je dis que frère Junior, vraiment, ici là, hein, tu as gâté. Voici, j'ai vu ceci de toi, ça ne donne pas. C'est comme ça que je suis. Mais j'ai vu que, avec que je n'étais plus ça, moi aussi, je jouais déjà à ça. Ce n'était plus normal. J'ai eu dans le cœur de laisser. C'est mes filles qui m'ont dit que maman, si tu laisses, c'est qu'on va dire que tu es sorcière, c'est qu'on va dire que tu avais un plan dans cette boutique, c'est qu'on va dire que c'est toi qui as fait. C'est que... Donc il a fallu le temps de Dieu. Donc c'est une qui a sauté la bouche que non, il faut que. J'ai dit, j'ai béni Dieu. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas, ma soeur? Amen. Amen. Amen. Amen. De toute façon, ça pose la problématique de la crainte de Dieu. La question c'est quand un pasteur ment, crée des zizanies, à des âmes qui cherchent la vérité, craint-il véritablement Dieu? Non. Si c'est non, qui sait-il vraiment? Ce sont les interrogations que nous devons répondre et que nous laissons les soins à tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier de répondre autour d'eux et de répondre à la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Je vous parle encore, encore et encore. Comme Dieu, autopsie dans l'église. Yeah, autopsie dans l'église. Yeah, autopsie dans l'église. Yeah, autopsie dans l'église. Listen to me. Les gens veulent voir l'homme de Dieu agir comme dans l'histoire, mais de par le caractère, sont faux et contradictoires. Font semblant d'être zélés quand ils sont dans l'église. Il faut les voir dehors, ce sont des panthères au grand degré. Conscient que la sécurité est une denrée rare, fabrique au lieu des prières, parfois les achève dans les bars. Et dans tout ça, ils veulent les mariages, des voyages, pensant que mon Dieu est un malvoyant. En pleine église, quelqu'un ramasse un billet, mais tu vas le voir monter pour témoigner que Dieu l'a visité. À la chorale, voilà une soeur qui chante super bien. Tu veux savoir, c'est un homme marié qui l'entretient. Mais si la foi est un championnat, mon rap est un classico. Tu veux faire la danse, Batia, Satan te sort la sico. On ne triche pas avec lui, si tu entends mon cri, c'est pour guérir l'église, pour qu'elle sorte de sa psychose. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Les hommes de Dieu, je les respecte, mais beaucoup d'entre eux corrompus deviennent des mercenaires.